chez Dolbeauto, venez voir la toute nouvelle Chevrolet Cruze 2016, complètement redessinée. Avec une efficacité énergétique de 5,6 litres au 100 km, à partir de seulement 17 845 $. La Chevrolet Cruze 2016 vous apportera des satisfactions au quotidien. Toute notre équipe est fière de féliciter Shane Gauthier, qui a été repêché par les Blue Bombers de Winnipeg. Dolbeauto, au 1770 Walbrook, Dolbeau-Mistassini, au 418-276-0580. C'est le temps de parler de l'association de soccer de Dolbeau-Mistassini avec Patrick Tropeano. Salut Patrick. Salut Danny. Patrick, il y avait des matchs encore une fois cette semaine pour nos équipes du secteur. Oui, il y avait des matchs, mais je vais changer de formule aujourd'hui un peu. OK. Donc, je vais commencer par parler du fin de saison des U8-U10, là, parce que là, ils sont dans leur dernière semaine. OK. Et puis, ils vont jouer le tournoi à Robertval la fin de semaine, samedi, le tournoi de la traversée. Puis, au lieu de parler un peu de nos matchs tout le temps, je vais te parler un peu des classements. OK, parce oui, que, vas-y. On a quand même le U16 féminin qui présentement est quatrième au niveau du classement. Okay. Au niveau des U10, on a une équipe quatrième, une équipe qui est septième. Le U16 masculin est sixième. Puis au niveau du senior, ils sont troisième, eux autres, au niveau de leur classement, avec des bonnes chances donc de pouvoir faire les séries pour plusieurs de nos équipes en fin de saison. OK. C'est satisfaisant, l'équipe qui est en quatrième place, là, les U8, est-ce qu'on peut dire que c'est quand même assez satisfaisant? Ben, au fait, les U8, les U10, ils n'ont pas de classement. OK. Eux autres, ils jouent plus, c'est plus le but de s'amuser. Puis les U8, souvent, c'est ceux qui jouent leur première saison des matchs à l'extérieur. Oui. Donc, c'est ça. C'est souvent au tournoi de la traversée à Robertval qu'on espère pouvoir revenir avec des médailles. OK. Et est-ce que les attentes sont... Est-ce que la compétition va être relevée de ce que tu as su? Parce que c'est un beau tournoi, ça, le tournoi de la traversée. Oui, c'est un beau tournoi. Puis moi, j'ai déjà été aussi avec... Quand je coachais les U8. Puis oui, c'est un beau tournoi. Puis il y a quand même de la belle compétition aussi. Mais c'est souvent les équipes locales quand même qui sont présentes. Ben oui, effectivement. Il y a le tournoi de Chicoutimi aussi, enfin, en même temps. Hein? Est-ce que l'équipe de Dolbeau va y aller? C'est la fin de semaine passée. OK. Donc, c'est ça. On avait quand même plusieurs équipes, mais malheureusement, personne s'est rendu au final okay. de nos équipes. Puis des fois, c'était par justesse. OK. Donc, c'est ça. Mais ça aussi, c'est un beau tournoi. Puis souvent, il y a des équipes de l'extérieur aussi qui jouent. Puis c'est bien le fun à voir aussi. Bon. Jouer contre eux. Qu'est-ce qui reste pour la fin de la semaine? C'est toi, me l'as dit, ton intervention, mais dans les différents classements, là, dans les différentes ligues. Mais pour cette semaine, il reste ici, aujourd'hui, il reste à 19h15 à Jean Dolbeau, c'est le U16 masculin qui joue contre Chicoutimi. OK. Puis, c'est ça. Sinon, pour la semaine prochaine, c'est le senior masculin qui joue mercredi à 20h30 au Parc Lyon. OK. Et, sinon, cette semaine, il n'y a pas plus de match ici à Dolbeau. Bon. Ben, Patrick, on s'en reparle mercredi prochain? Oui, on s'en reparle la semaine prochaine. Voilà, donc c'était Patrick Tropeano de l'Association de soccer de Dolbeau-Mistassini.